qui ne semble pas avoir été compris, ça concerne le cours pour enfants, là, sur l'Ardème. C'est toi qui fais les annonces, tu devrais savoir ce que tu annonces. Oui, il faut que je sois capable de lire aussi ce qu'il y a d'écrit là-dessus, là. C'est pattes de mouche. Alors, ici, c'est écrit « Cours pour enfants ». Ardème commence après les fêtes. OK, disons que... Inscription « enfants » ce soir. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement pour les enfants? Ce sont des questions qui sont posées, ça. Non, c'est que l'annonce qui est ici, c'est une annonce faite par le centre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, depuis quelques mois, nous demandaient si on était pour faire un cours pour les enfants, un cours de ce qu'anciennement on appelait ici Ukikaido, qui est une forme d'éducation sportive qui ressemble un peu à un art martial, mais qui n'en est pas un. Et puis, disons que l'annonce regardait sans doute ceux qui avaient demandé si un jour on ferait un cours pour les enfants. Et il y en a plusieurs. Je crois qu'on a déjà 22 enfants d'inscrits. Alors, l'annonce, disons, c'était sans doute surtout pour ces personnes-là. En ce qui concerne l'Ardème, c'est un enseignement qui est nouveau, qui est donné ici au Centre de l'Universalité. Enseignement que j'ai conçu avec d'autres personnes. En l'occurrence, des ceintures noires en judo ou en karaté, dans différentes formes d'art martial. Et on a adapté cette forme de pratique-là à un système d'éducation. Alors, ce n'est plus un art de combat dans le sens où on va l'apprendre pour apprendre à se défendre. C'est évident qu'on peut se défendre avec ça. Et c'est ce cours-là pour les enfants. Il existe déjà pour les adultes. Et on, sans doute, l'annonce regardait, disons, les personnes qui avaient fait la demande en ce qui concernait les enfants. C'est sûr que ceux que ça l'intéresse, qui n'ont pas fait de demande, peuvent voir Mario aussi. Mais c'est simplement le cours d'éducation de l'ARDEM, qui est l'intégration ou l'entraînement de l'intelligence en mouvement. La compréhension de pourquoi tu bouges, de comment tu bouges, il y a différents moyens d'éducation qu'on a mis au point. Ça se fait en mouvement. C'est le cours d'Ardem. Il s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Alors, on va revenir à la question qui précédait la pause, là, concernant l'âme pure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mémoire vierge? Est-ce que c'est une qualité que devra avoir au niveau de la gestation, la femme qui enfantera de l'enfant nouveau? Bon. La relation entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau est une relation d'éducation où l'enfant nouveau va avoir le privilège de se diriger vers une androgyna énergétique précurseur de ses parents. Alors, si on regarde un peu la conférence de la semaine dernière qui est intitulée « Psychologie de l'homme nouveau face à l'enfant nouveau » et ce soir « La femme nouvelle face à l'enfant nouveau », évidemment, ça a pu paraître un petit peu ectopique, les deux conférences que j'ai faites sur les sujets, c'est-à-dire que ça donnait un peu l'impression, peut-être à certaines personnes, qu'on ne se tenait pas tout à fait dans le sujet titré. C'est nécessaire pour bien comprendre certains mécanismes qu'on passe par beaucoup de cheminement. Et déjà là, certaines personnes qui viennent pour la première ou la deuxième fois trouvent que le cheminement il est déjà très rapide. Et je le fais de cette façon pour le ralentir. L'homme nouveau énergétiquement a une consistance différente de celle de la femme. On l'a vu surtout dans la conférence « La psychologie de l'homme nouveau ». Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. La relation entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau va permettre à cet enfant de devenir plus rapidement un mâle énergétique. Et la relation entre la femme nouvelle et ce même enfant va permettre aussi à l'enfant de devenir une femelle plus rapidement que normalement. Cela ne veut pas dire, évidemment, que l'enfant nouveau va être une tapette. Il faut bien comprendre que lorsque trop d'énergies féminines sont exprimées par un plan particulier du corps, que ce soit le plan vital, physique, psychologique ou mental, on peut avoir, l'expression de personnes qui vont être homosexuelles, tant du côté féminin que du côté masculin. On peut avoir des personnes aussi qui, au niveau de leur énergie vitale, vont exprimer une forme d'androgyna embryonnaire. Alors, la personne va pouvoir, on dit dans ce cas qu'elle est aux deux. Lorsqu'une personne est efféminée, de par son corps physique ou son corps vital, mais que dans sa psychologie, elle reste masculine, on appelle ça vulgairement une tapette, parce que ça plaît à l'homme ancien d'insulter quelque chose qu'il ne comprend pas. Parce que quelque chose que l'homme ancien ne comprend pas lui fait peur, et le seul mécanisme qu'il a pour se défendre, c'est soit d'en rire, donc de le rabaisser, soit de le détruire. La femme nouvelle, le contact qu'elle aura avec l'enfant nouveau va automatiquement, énergétiquement, équilibrer cet enfant nouveau de façon à ce que jamais plus un être humain sur la planète entrevoit une séparation réelle au niveau de l'expression de l'esprit dans des corps planétaires d'une façon sexuelle. C'est-à-dire que pour l'enfant nouveau, que ce soit une femme, que ce soit un homme, dans sa conscience d'être-té, dans sa conscience d'enfant et d'adulte par la suite, il ne verra plus jamais de femme et d'homme. Il ne verra de femme et d'homme que du point de vue biologique. Mais il ne verra pas de femme ou d'homme par le contact qu'il aura avec l'homme nouveau et avec la femme nouvelle. Il ne verra pas de femme de façon, et disons, énergétique. Globalement, il va percevoir par le contact entre ses parents nouveaux ou entre un homme nouveau ou une femme nouvelle et lui-même, il va percevoir la différenciation des polarités énergétiques exprimées dans le contexte de notre évolution planétaire, mais il saura que le début et la finalité de ces différentes formes d'expression sexuelle sont la même chose. Alors, la relation entre la femme nouvelle et l'enfant nouveau, ça va être une relation, comme entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau, une relation beaucoup plus énergétique, et par le contact énergétique, c'est-à-dire par la présence de l'un et de l'autre, l'enfant nouveau sera ajusté à ce qu'est l'homme et à ce qu'est la femme. Alors, dans sa conscience, le garçon nouveau sera un humain. Et dans sa conscience, la fille nouvelle sera un humain. Ou une humaine, pour les féministes avertis. Mais la fille ne sera pas une fille, sauf biologiquement. Et elle comprendra l'utilité encore actuelle d'avoir un corps féminin, tandis que d'autres ont un corps masculin. Et seul au niveau biologique, l'enfant nouveau va vivre une différenciation sexuelle parce qu'il en comprendra l'intelligence. La relation entre la femme nouvelle, entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau, donc l'enfant, je parle d'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, parce que pendant un laps de temps plus ou moins long, il y a un être humain qui s'appelle un enfant. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Et à un moment donné, selon l'énergie vibratoire des parents, le garçon ou la fille va tendre à se dessiner garçon et fille dans la psychologie, dans l'énergie intellectuelle. Et à la longue, cela peut faire un homme chauviniste, cela peut faire une femme qui veut se libérer, cela peut faire un paquet de contextes que l'on connaît au niveau de l'homme actuel, de nos sociétés modernes. Alors donc, la relation entre les adultes de sexe différent et l'enfant va permettre à cet enfant de ne plus jamais connaître de sexualité autre que la sexualité physique. Et ça, c'est important de comprendre ce mécanisme. Et pour arriver à le comprendre, on peut se référer plus facilement à la conférence « La psychologie de l'homme nouveau »,« Psychologie de la femme nouvelle », »,« Psychologie du couple nouveau », des conférences que j'ai faites ces dernières semaines et un petit peu avant de partir pour le Pérou. La semaine dernière et ce soir, j'ai volontairement voulu m'échapper un peu du domaine de la psychologie matérielle ou plus accessible de l'enfant et de l'homme, de la femme, parce que j'en avais parlé suffisamment donc dans les conférences antérieures, ainsi que dans les conférences intitulées « La conception de l'enfant » et ce genre de conférences. Expliquant plus de mécanismes planétaires et plus de mécanismes cosmiques, c'est sûr que cela peut mélanger un peu les personnes qui commencent ou qui ne sont pas trop averties du vocabulaire ou de cette nouvelle conscience. Mais en faisant un balayage magistral de ces mécanismes, lorsque nous allons revenir sur la conscience plus terre-à-terre, plus psychologique, la lumière va se faire drôlement plus facilement. Parce que vous ne pouvez pas comprendre un mécanisme, un petit mécanisme, celui-ci est en fait un immense mécanisme dont vous ne percevez qu'une partie. C'est exactement comme essayer de comprendre comment fonctionne le carburateur d'une automobile si on ne sait même pas que les pistons existent et si on ne sait même pas qu'il y a une pompe à essence et si on ne sait même pas que l'air existe. On ne peut pas comprendre. Essayer de comprendre la psychologie de l'homme ancien sans comprendre ce qui constitue réellement cette psychologie, c'est faire un travail hautement intellectuel, hautement spéculatif, qui n'aboutirait à rien. Essayer de comprendre l'enfant nouveau sans connaître les mécanismes d'évolution de l'âme de l'enfant ancien qui vont l'amener à naître nouveau, cela est impossible. Alors, la semaine dernière, on a parlé de l'évolution planétaire, on a parlé de l'évolution un peu du Québec ésotérique, chose sur laquelle on va revenir en janvier. On a parlé de pourquoi l'homme souffrait, pourquoi des populations entières souffraient. On a parlé de la connaissance de Dieu, on a parlé de la connaissance de l'esprit, on a parlé des réincarnations pluralitaires et individuelles. Tout cela pour qu'à un moment donné, vous puissiez clairement saisir que ce soit acquis chez vous comme théorie, comme concept ou comme autre chose, ce n'est pas grave, la science fonctionne en théorie, cela fonctionne, cela marche. À un moment donné, lorsque on va aborder différemment certains thèmes, la lumière va se faire beaucoup plus rapidement chez vous. Alors, c'est volontairement que je préfère donner plus de matériel, un matériel peut-être un peu plus haut au niveau de la connaissance planétaire, au niveau des connaissances traditionnelles. Cela est fait consciemment et cela est fait dans des raisons, les raisons que je vous ai expliquées. Et à un moment donné, vous allez pouvoir assimiler, vous connecter ce genre de mécanisme pour arriver à comprendre clairement ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe dans votre vie. Lorsque je disais qu'à un moment donné, l'homme doit savoir qui il est, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes si vous ne connaissez pas l'extérieur qui vous a mis au monde. Sinon, vous n'aurez qu'une idée très colorée, très illusoire, une farce de ce que vous êtes, si vous ne savez pas qui vous a mis au monde. L'enfant nouveau, ainsi que l'homme nouveau, devront-ils créer un mode de vie ou encore une société à part pour survivre? C'est évident que oui. C'est évident. Comme l'homme ancien s'est créé un monde à lui pour survivre, l'homme nouveau fera de même. Le premier monde qui va être créé par l'homme nouveau sera un monde qui sera appelé à éduquer l'homme ancien. La différence entre l'éducation de l'homme nouveau sur l'homme ancien et l'éducation de l'homme ancien sur l'homme ancien ou l'homme nouveau, c'est que l'homme nouveau ne forcera jamais un être à accréditer ce qu'il va communiquer. Tandis que l'homme ancien se donne comme priorité d'obliger les autres à le comprendre. C'est important pour la psychologie ancienne, c'est important pour vous, c'est important pour l'homme, pour la femme, d'être compris. Pour l'homme nouveau, ça n'a plus d'importance. Il y a une raison intelligente de communiquer quelque chose pour permettre à l'extérieur, pour leur permettre d'arriver à nous accepter, donc à nous laisser être. On ne peut pas par la force obliger quelqu'un à devenir conscient. On ne peut par la force que lui enseigner l'illusion qu'il est conscient. Et des êtres qui ont une illusion de conscience sont plus inconscients que ceux qui sont inconscients. Ils sont plus dangereux. L'homme nouveau, l'enfant nouveau se crée un monde à part, un monde psychologique pour commencer, un monde d'amis réservé où les adultes et où les autres jeunes de son âge sont exclus. Mais plus il y aura de ces enfants nouveaux, plus il y aura d'enfants qui voudront cesser de souffrir, et donc plus il y aura d'enfants, comme la femme. Lorsque la femme a décidé un jour de libérer l'homme, elle a créé un monde pour elle, où elle a exclu l'homme. Des femmes qui n'ont pas compris le mécanisme même de la libération de l'homme appellent cela la libération de la femme. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque la femme s'est libérée, elle a libéré l'homme. Elle a permis à l'homme d'apprendre des choses que jamais il n'avait voulu apprendre. Elle lui a permis d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à s'occuper des enfants, d'apprendre à laver la vaisselle, d'apprendre à devenir un homme global. Et la femme, évidemment, tente encore de devenir une femme globale. L'enfant nouveau, l'homme nouveau, devra aussi se construire un monde à lui. Un monde qui n'exclura pas nécessairement l'homme ancien, mais un monde qui va obliger l'homme ancien à le laisser être. Alors, c'est sûr que certaines formes de maisons, certaines formes d'écologie sociale, certaines formes d'idéologie d'éducation, certaines formes de médecine, de prévention de médecine, vont être élaborées par des hommes nouveaux, par des femmes nouvelles, au cours des décennies qui suivent. Et non seulement elles seront supérieures à ce qui existe au niveau de l'homme ancien, elles seront accessibles à l'homme ancien, mais elles auront été construites par l'homme nouveau. Il n'aura pas le choix. Alors, si on parle de société nouvelle construite pour l'homme nouveau, il y aura des endroits privilégiés par l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant une première phase de conscientisation collective, l'homme nouveau sera attiré, il s'attirera l'un à l'autre et se regroupera dans certaines régions de la province de Québec, du Québec ésotérique, et vivra là, construira des maisons, des villages, si on peut dire, où il n'exclura pas l'homme ancien, mais où il pourra être un peu plus sûr, pour la simple raison que si l'homme nouveau n'exclut pas l'homme ancien, lui, va exclure l'homme nouveau. Plusieurs questions qui concernent les deux voies initiatiques que tu as mentionnées. On va parler de la voie progressive et de la voie instantanée, une qui est lente, douce, et l'autre qui est radicale et rapide. On te demande aussi en rapport avec ces questions, qu'est-ce que l'initiation par le feu? L'initiation douce est-elle un prérequis à l'initiation par le feu? Dans quel cadre ces initiations sont-elles possibles? École, maître, etc. Effectivement, il y a deux façons d'évoluer. Il y a toujours eu deux façons de s'améliorer. Je préférerais au terme évoluer. Lorsque la semaine dernière, j'abordais le thème du contact, pendant un laps de temps relativement long, une énergie vibratoire chez l'homme tend à évoluer, c'est-à-dire qu'elle tend à grossir en capacité, en qualité, en quantité énergétique. Lorsque ce réservoir est constitué, il ne peut plus évoluer. Il ne peut que se nuire, il ne peut que créer des mondes autour de lui, mais lui-même ne peut plus en accumuler. Alors sa seule possibilité de progression devient le contact avec une énergie supérieure qu'il va intégrer et l'évolution va se repoursuivre sous un autre plan. On l'a élaboré suffisamment la semaine dernière. Alors encore une fois, je vais sauter par-dessus l'explication de ce mécanisme. Présentement, il y a deux, l'homme du Québec, la femme du Québec, est rendu à un stage où l'évolution dans son être-té psychologique ou mentale est impossible. L'être du Québec se doit d'entrer en contact avec une nouvelle forme de conscience, avec ce que nous appelons la conscience supramentale ou avec ce que nous appelons l'énergie supramentale. Énergie qui, comme l'énergie mentale amenée par le comte de Saint-Germain, comme l'énergie de l'astral, l'énergie de l'amour amenée par le Nazaréen, comme d'autres formes d'énergie, l'homme devra entrer en contact avec cette énergie supramentale, devra l'intégrer, l'assimiler, et à la suite de ce contact, il pourra recommencer une forme d'évolution au niveau du plan supramental. Il y a deux formes d'amélioration ou de contact possibles aux gens du Québec. Il y a donc l'amélioration ou l'évolution douce, l'initiation progressive, et l'initiation par le feu, ou comme le dit François, l'initiation instantanée. Ces deux formes de progression sont des formes de progression qui sont similaires. L'initiation douce amène toujours au résultat final, le contact. L'initiation instantanée amène au contact. La seule chose, c'est que lorsqu'un être non suffisamment vibratoire, lorsqu'un être contrôlé par son ego, lorsqu'un être prend la décision de passer par l'initiation instantanée, il est instantanément détruit, c'est-à-dire qu'il n'arrive à aucun contact, il se fait leurrer, il se fait berner, et il rallonge son temps d'évolution. Tandis que lorsqu'une personne suit un cheminement qui est sécuritaire en ce qui concerne le fait qu'elle risque moins de se faire charrier par son ego, lorsqu'une personne suit une initiation progressive, pour l'ego apparemment dans le temps, c'est plus long. C'est aussi rapide. Sauf qu'elle laisse dans l'expérience de l'ego l'apparence de longueur. Parce que l'ego est assujetti au mécanisme illusoire de la connaissance du temps. Ces deux formes d'initiation sont des formes d'initiation qui sont enseignées un peu partout sur la planète. C'est-à-dire que l'initiation douce est enseignée partout sur la planète dans différentes écoles, dans différents organismes, organismes qui peuvent paraître très néfastes pour certains. Et l'initiation instantanée est n'est enseignée présentement que dans 2 écoles sur la planète. Elle est enseignée dans un 3e endroit qui n'est pas une école et qui s'appelle la vie. Donc, on a dans cette troisième endroit des personnes qui, à un moment donné, vont devoir souffrir l'initiation instantanée, le contact supramental involontaire forcé, pour devoir arriver à se libérer plus rapidement de tous les mécanismes astroplanétaires, de façon à devenir une antenne supramentale, un ajusteur de pensée collectif. Un orateur, par exemple. Les 2 écoles qui existent, qui peuvent permettre l'initiation par le feu, sont 2 écoles qui se trouvent présentement au Québec, écoles que je ne nommerai pas les noms. Je ne nomme pas les noms, pourquoi? Parce que c'est à vous d'arriver à entrer en harmonie avec ces 2 écoles. Si vous êtes prêt, cela va se faire. Si vous n'êtes pas prêt, cela ne se fera pas. Mais si je nomme les écoles et que je donne les adresses, certains d'entre vous qui ne sont pas prêts vont se garocher et vont se frapper le nez à des portes blindées. Puis ils comprendront pas. Ils vont dire, moi, je suis prête. Quand l'ego dit qu'il est prêt, c'est que l'esprit n'est pas prêt. Parce que c'est pas l'esprit qui parle. L'initiation instantanée, c'est un mécanisme qui, par différentes expériences, lorsqu'on est capable d'entrevoir des expériences qui vont nous permettre d'arriver à ce contact, lorsqu'on est capable d'arriver, et on est capable, surtout physiquement, vitalement, psychologiquement, mentalement, de soutenir le contact écrasant d'une conscience nouvelle. Lorsque vous vous regardez dans un miroir cosmique, un miroir supramental, lorsque l'ego s'observe dedans et qu'il voit totalement l'absurdité de tout ce qu'il croit être, il va vouloir lutter contre ce qu'il va découvrir et vu que son expression se fait dans le corps physique, il risque de détruire le corps physique. Saint-Jean de Dieu en contient beaucoup, Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui, et plusieurs autres organismes sectaires, sociaux, religieux, etc. en contiennent beaucoup aussi. Et les cimetières de la planète en contiennent beaucoup. Lorsque la personne est prête, le mécanisme de contact peut se faire, c'est-à-dire que la personne va être amenée dans des endroits, dans des régions temporelles et spatiales qui permettent l'intégration rapide, qui permettent de goûter au contact supramental de façon à avertir l'ego qu'effectivement cela existe. Donc, il y a une forme de préparation nécessaire avant cette initiation par le feu ou cette initiation instantanée lorsqu'elle est faite d'une façon scolaire, c'est-à-dire dans une école. Et lorsqu'elle est faite dans le 3e endroit, c'est-à-dire dans la vie vous prépare. L'initiation douce est-il un prérequis? De toute façon, l'homme évolue toujours dans l'initiation progressive jusqu'au jour où, s'il est appelé ou si cela s'accomplit de cette façon, il passe à l'initiation instantanée. Dans quel cadre ces initiations sont-elles possibles, école, maître, autre? Il n'y a de maître que vous. Les écoles, ce sont des endroits où certaines personnes qui ont cette faculté de, disons, plugger certaines choses chez certaines personnes peuvent le faire. Mais il n'y a pas de maître. Le supramental, sais-tu le degré qu'ont atteint les saints? Sainte, non. L'homme nouveau que vous appelez, n'est-ce pas la sainteté? Sainte, non. Donne-moi les questions. T'as une brocheuse, hein? C'est bien. Le supramental, c'est le degré qu'ont atteint les saints. Les saints ont atteint un degré, la majorité des saints. Certains saints ont été nommés saints par l'Église, mais ils avaient atteint effectivement une conscience d'ordre supramental. C'est l'exception. Lorsqu'une personne devient saine, elle arrive à entrer en contact avec des niveaux hautement évolués de l'âme planétaire, c'est-à-dire de ce que nous appelons le ciel. Cette âme planétaire, ce haut spirituel où certains, où les saints vivent encore, où on peut rencontrer différentes expressions d'anges, d'archanges, de chérubins et d'autres expressions d'énergie hautement évoluée de l'expérience planétaire, lorsque ces êtres humains entrent en contact avec ce genre d'énergie drôlement évoluée, ils vont avoir la possibilité d'exprimer cette énergie par l'intermédiaire de leur propre vécu, c'est-à-dire par l'intermédiaire de leur propre vie. Alors, certains saints vont recevoir les stigmates, expressions mémorielles de ce qui un jour a apparu sur les mains du Christ lorsqu'on lui a planté des clous dedans. Mais il faut bien remarquer que le Nazaréen n'a pas été crucifié dans la paume des mains. Ça, maintenant, biologiquement, c'est prouvé, on le sait. Le suaire l'a même révélé. Tandis que les stigmatés ont quand même les stigmates dans la région où la psychologie collective de la religion a toujours pensé qu'ils étaient. Alors, même si le Christ est crucifié dans les bras, le stigmaté voit un stigmate apparaître dans ses mains. C'est qu'il se relie à la mémoire de l'évolution laissée par le passage du Nazaréen de tous ceux qui l'ont suivi. Il se relie à la mémoire de tous ceux qui ont réussi à porter une haute spiritualité sur le plan planétaire. Même si cette spiritualité reste une coloration de la réalité, elle est d'un ordre vibratoire beaucoup plus haut que ce que l'homme a réussi à créer au niveau des plans astroplanétaires. Les saints sont donc des êtres qui ont réussi à un moment donné à se connecter à ce haut astral spirituel aux plus hautes sphères de l'âme planétaire. Lorsque le Nazaréen parle du Père dans le ciel, il parle de cette sphère énergétique auquel les saints vont avoir le privilège de se connecter. Lorsque le Nazaréen parle du Père dans les cieux, il parle de ce que les saints n'ont jamais touché. Il parle de l'énergie supramentale qui est hors le ciel, qui est dans un contexte extraplanétaire. L'homme nouveau que vous appelez, n'est-ce pas la sainteté? La sainteté est un critère d'évolution de l'homme ancien. La sainteté est pour l'homme ancien souvent un but à atteindre. Le saint se doit de se contrôler. Le saint se doit d'imiter la vie de quelqu'un de pur. Tandis que l'homme nouveau n'imite personne, l'homme nouveau vit. Or, si on regarde, le Nazaréen n'a jamais été un saint. Tandis que beaucoup de ceux qui l'ont copié sont devenus des saints. Un autre petit paquet de questions reliées par les mêmes préoccupations. Chaque fois que je viens vous m'éclairer, où allez-vous chercher tout ça? Qui êtes-vous? Votre conférence est formidable, même si je n'ai pas tout compris. Pourquoi savez-vous ces choses alors que nous les ignorons? Avez-vous un maître et qui? Bon, où allez-vous chercher tout ça? Sachez une chose, c'est que dans l'apparence, et seulement dans l'apparence, je sais beaucoup plus de choses que vous. Mais en réalité, je ne sais de plus que vous qu'une seule chose. Une. Je sais une chose que vous ne savez pas. Mais il n'y a qu'une chose que je sache de plus que vous. Et même si ce soir je vous dis quelle est cette chose, vous ne le saurez pas. Et je vais vous le dire. Il y a une chose que je sais que vous ne savez pas, et il n'y a qu'une chose. Je vais vous la dire, et même si je la dis, vous ne le saurez pas. Vous allez l'apprendre, mais vous ne le saurez pas. C'est que vous savez tout ce que je dis, et je sais tout ce que je dis. Mais moi, je sais que je le sais, tandis que vous, vous ignorez que vous le savez. Vous l'avez appris, mais vous ne le savez pas encore. Puis longtemps encore, vous allez vous le refuser de le savoir. J'ai pas de maître. On n'a pas besoin de maître. Lorsqu'on a besoin d'un maître, c'est parce qu'on est incapable d'assumer notre propre connaissance et on a besoin de quelqu'un pour confirmer ce que l'on sait. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas que l'on sait. Le maître est celui qui se maîtrise. Il n'a aucun disciple. Parce que s'il a des disciples, il ne se maîtrise même pas. Un maître qui se respecte ne prend pas des êtres humains qui viennent têter son énergie et qui viennent essayer de poursuivre une vie où jamais ses disciples ne sauront qu'ils savent. Il vient un temps pour savoir qu'elle sait et elle tente d'ouvrir la trappe et de parler. La collectivité de l'homme ancien va tout faire pour lui fermer la gueule. Pour qui qu'elle se prend. Mais à un moment donné, vous devenez vous autres. Et là, on vous demande pour qui vous vous prenez. Et c'est la première fois depuis votre existence que vous ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais jeune, on me demandait, oui, mais pour qui tu te prends, commencer à dire des choses de même? Je me prends pas. Je suis pas assez fort. Je me prends pour personne. C'est moi. Quand on dit qui es-tu, mais qui êtes-vous? L'homme pose toujours ce genre de questions. Parce qu'il essaie encore une fois, qui es-tu? Qui es-tu? Et comprenez ceci, c'est un travail extraordinaire au niveau de la conscientisation de l'homme. Qui es-tu? Pourquoi cette question? Parce que la personne, sans doute, comprend des choses que je dis, donc elle comprend ses propres énergies. Et sans doute, parce qu'elle n'est pas sûre si elle doit se permettre de comprendre. Et si elle sait qui je suis et que ce que je lui réponds est dans l'ordre de ce qu'elle s'attend, elle va pouvoir se permettre de comprendre parce que le grand maître vient d'y parler. Et si je lui dis que je suis un imbécile et que ce que je dis me place dans sa conscience un petit peu bas, alors là, elle va s'interdire de comprendre. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que c'est utile de savoir qui je suis? Ce que je dis qui vibre avec vous, vous le prenez, qui que je sois. Ce que je dis qui ne va pas, vous le prenez pas, j'espère. Et ça, qui que je sois. Alors on ne pose pas la question, qui es-tu? Ça ne sert à rien. Je suis moi. Et où je vais chercher tout ça à la même place que tout le monde va aller chercher ça à un moment donné, là où ça se trouve. Si tu dis que cela peut être dangereux pour un enfant nouveau d'être mal dirigé pour qu'il devienne un monstre, est-ce que le même danger attend l'homme en transition? Oui. Oui, mais l'homme qui va devenir à un moment donné une espèce de monstre, prenons un exemple bien connu d'un homme nouveau qui un jour est devenu un monstre. Et on ne retient de cet homme, évidemment, que le monstre. Lorsqu'un jour, cet enfant a commencé à découvrir les mécanismes de la manipulation, et c'était un précurseur, il a compris de quelle façon son pays, de quelle façon ses amis d'école, de quelle façon sa société, de quelle façon ses parents, de quelle façon ses oncles, de quelle façon sa famille étaient assujettis était manipulé par toutes les forces politiques extérieures. Et cet adolescent, ce jeune adulte, a essayé de communiquer ses nouvelles découvertes. Mais les manipulateurs déjà présents dans son pays ne connaissaient pas la manipulation. Alors, à un moment donné, il s'est révolté et il a tenté de changer les choses. Et ce n'était pas le temps de changer les choses. Savez-vous quand est-ce que c'est le temps de changer les choses? C'est lorsqu'elles changent. Il a été arrêté, il a été mis en prison plus qu'une fois. Et un jour, il s'est fait ramasser. Il était fatigué, il était écœuré de lutter, alors qu'il n'avait aucun résultat. Et un jour, on lui a donné la possibilité d'avoir du résultat. Alors, il a accepté. Il a eu du résultat pendant quelques années. Il a conquis la Pologne, la France. Il a conquis presque toute l'Europe et il s'apprêtait à conquérir les États-Unis. Et lorsque certains personnages sont venus le visiter, personnages qui n'ont pas été vus par ses secrétaires, mais ses secrétaires ont confirmé à Nuremberg qu'effectivement, de temps en temps, le Führer parlait avec des personnages invisibles. Et c'était la période de temps où il a commencé à être fou. C'est sûr. Il faut bien expliquer le fait qu'il parlait avec des personnages invisibles. Alors, il était fou. Ça explique tout. Lorsqu'Adolphe a été assujetti à des mécanismes qui, dans l'ésotérisme traditionnel, vont porter le nom, entre autres, de Prieuré de Sion, lorsqu'il a été assujetti à certains des grands maîtres de l'humanité, contrôlé par un personnage qui va se faire de plus en plus connaître, il a mis toutes ses capacités de manipulation, toutes ses capacités de prescience, parce qu'il savait quand il devait attaquer, il savait quel genre de farce politique il devait faire. Ses premiers pays qu'il a conquis, il les a conquis avec des fanfares. Il est rentré dans un pays, il a traversé les frontières avec des fanfares armés, des militaires qui faisaient des démonstrations. Et politiquement, tout le monde disait, ben non, ça se peut pas, attendez. Et deux jours après, il n'y a personne qui partait, mais on ne peut plus les mettre dehors. La Tchécoslovaquie a été prise comme ça. Et d'autres pays, ils savaient jusqu'au jour où c'était suffisant, son savoir. Jusqu'au jour où c'est des personnages américains, parce que c'est dans la Nouvelle Terre, en Amérique, que devait naître cette conscience écologique supramentale. Et évidemment, on a manipulé certains personnages pour pouvoir produire une arme digne de l'homme nouveau, une arme nucléaire. Évidemment, la fission de l'atome était une connaissance nouvelle chez l'homme et ce n'était pas, on n'a pas enseigné à l'homme ou l'homme ne s'est pas enseigné à lui-même cette fission de l'atome exclusivement pour en faire des bombes. C'est l'homme ancien qui maintenant fait des bombes avec l'arme atomique, avec la fission de l'atome. Alors cet homme nouveau qui a aperçu des mécanismes que la majorité d'entre vous commence à percevoir, était seul. Seul, et il a eu le privilège d'avoir une conscience qui englobait l'Europe. Une conscience qui s'étendait presque à l'échelle planétaire et qui lui permettait de comprendre les mécanismes absurdes, apparemment, de l'évolution de l'homme. Alors, il a décidé de ramener une race privilégiée, une race privilégiée sur le plan planétaire, la race aryenne, la race que lui appelait hyperboréenne, c'est-à-dire la race qui venait de ce Québec ésotérique. Il s'est trompé au niveau de l'hyperborée, il s'est trompé au niveau du nom de la race, au niveau de la race aryenne, qui est la première sous-race de la race mère blanche, dernier vestige de la race atlantéenne. Alors Adolphe était un être totalement nouveau, un enfant nouveau qui a souffert le martyre, qui a voulu se révolter, qui a tout fait, et ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, cet être transitif a eu la possibilité de poursuivre. Mais c'est l'astral planétaire qui le lui a donné. Alors, il a embarqué et il a fait confiance jusqu'au jour qu'on a commencé à diriger son chemin vers quelque chose qu'il ne voulait pas. Mais lorsque c'est enclenché, c'est enclenché. Et la seule chose qui termine cette initiation manquée, c'est la mort. Et c'est ce qui est arrivé. Je donne l'exemple d'un être, d'un monstre qui est connu et qui lentement s'en va dans l'oubli. Parce que ceux qui l'ont connu s'en vont aussi dans l'oubli. On a d'autres personnages qui sont devenus des monstres. Prenons par exemple celui qui, à un moment donné, a découvert des mécanismes qui permettaient la création de la vie sur le plan planétaire. D'un homme qui s'est allié à d'autres personnages, je ne nommerai pas les noms de ces personnages, et qui, par le biais de travail biologique, de travail au niveau du système génétique, a réussi à comprendre d'une façon exemplaire le mécanisme biologique de l'homme, le mécanisme d'atteinte de son plan vital, et ces personnages ont réussi à mettre au point une nouvelle forme de maladie. Alors, ils ont connu, ils ont compris, et présentement, ils se vengent. Et ils ont mis au point une nouvelle forme de maladie qui, présentement, hante l'humanité, et qui, présentement, fait en sorte que les énergies médicales de l'humanité se penchent toutes sur ce genre de nouveauté, sur laquelle on va élaborer différentes théories pour en expliquer l'origine. Alors, les monstres, on en a plusieurs, et les enfants nouveaux peuvent devenir des monstres, et lorsque nous parlons de monstres à la James Bond. Des monstres énergétiquement intelligents. Alors, l'homme nouveau peut devenir un monstre si le cadre social le lui permet. Mais il faut bien comprendre que plus il y aura d'hommes nouveaux, plus il y aura de femmes nouvelles, moins il y aura de monstres. Pour la simple raison que ceux-ci vont se réunir, ceux-ci vont travailler en collaboration, ceux-ci vont travailler conjointement, et automatiquement, ils vont être capables de s'assumer les uns les autres de façon à pouvoir se libérer des contraintes de récupération de l'astral collectif. Alors, on aura de moins en moins de monstres. Sauf que chez l'enfant, l'enfant n'a pas la possibilité de se réunir aussi facilement que l'adulte. Vous venez ici ce soir parce que cela vous plaît. Tandis que l'enfant, s'il veut sortir et rentrer à minuit, ça ne fonctionne pas. Tandis que l'enfant, s'il veut prendre son auto, ben il n'a pas d'auto. Tandis que l'enfant, s'il veut prendre l'autobus, il n'a pas nécessairement l'argent pour le faire. L'enfant n'a pas la possibilité de connaître et l'enfant n'a pas encore la possibilité de comprendre tous les mécanismes qui lui permettraient de pouvoir découvrir où sont les autres nouveaux. Alors, pour l'enfant, c'est l'adulte, c'est le parent qui doit veiller à ce que l'enfant soit bien canalisé, à ce que l'enfant se canalise lui-même dans son propre canal. Sinon, effectivement, on peut encore créer des monstres. Les adultes, c'est de moins en moins probable, sauf dans d'autres pays. Mais pas ici au Québec. C'est ça, un mental, l'intelligence est loin de l'intelligence du cœur. Un point de vue à ne pas oublier ça. Exactement. Le champ d'activité de la psychologie semble être celui des fausses émotions. Le travail qui est possible en thérapie peut-il finir par faire tomber l'illusion de l'astral et faire le nettoyage préliminaire à la réception de l'énergie supramentale? Bon, effectivement, le champ de la psychologie perturbatrice chez l'homme est effectivement le champ des fausses émotions, c'est-à-dire là où l'homme croit être une émotion, là où l'homme a peur, là où l'homme est envieux, là où l'homme est jaloux. Le travail qui est possible en thérapie peut-il finir par faire tomber l'illusion de l'astral? Si cette thérapie, il faut faire attention avec le mot thérapie qui veut quand même dire guérir, alors évidemment, il faut faire attention. Disons que si les mécanismes d'éducation ou d'instruction, beaucoup plus d'instruction que d'éducation, parce qu'à un moment donné, on instruit, on éduque plus, on donne de l'instruction, on donne de l'information, c'est tout, la personne en fait ce qu'elle veut. Les mécanismes de l'instruction, lorsqu'elles sont faites par une personne qui a une conscience suffisamment avancée de la psychologie de l'homme, évidemment, amènent celui-ci, celui avec qui on va travailler, à un nettoyage de cette illusion de ces mécanismes astraux. Ce nettoyage va se faire par des mécanismes qu'on enseigne souvent, mécanismes sur lesquels je suis revenu souvent ici en conférence, au niveau de l'observation, au niveau de la mentalisation, au niveau de l'intelligentsion. Lorsque vous êtes capable d'intelligencer des mécanismes, lorsque vous êtes capable de mentaliser des mécanismes, lorsque vous êtes capable d'observer les mécanismes qui naissent chez vous, vous êtes capable d'arriver à comprendre. Lorsque l'homme comprend, l'homme sait. Lorsque l'homme sait, les mécanismes qui permettaient l'expression de ces fausses émotions sont maintenant bloquées par le mental parce qu'elles s'intègrent dans le mental, donc elles n'ont plus la faculté d'être exprimées par l'ego. Donc, automatiquement, la fausse émotion disparaît. Lorsque dans la tradition normale des thérapies, des dynamiques de groupe, des thérapies de groupe, de tout ce genre de mécanisme où on va essayer de réajuster la psychologie d'une personne déphasée, essayer de la rajuster à la psychologie de la collectivité pour qu'elle redevienne fonctionnelle, ce n'est pas un nettoyage des mécanismes astraux, c'est une manipulation légale dans l'astral. Lorsque un thérapeute, lorsque une personne qui va faire un séminaire, lorsqu'une personne qui a la possibilité d'être capable d'ajuster une personne de façon à ce qu'elle se recentre elle-même par rapport à elle-même. Alors, si elle part à broyer, si elle fait une crise, ce n'est pas grave. L'idée, ce n'est pas qu'elle redevienne fonctionnelle dans le plan de la société. L'idée, c'est qu'elle se centre dans sa propre intelligence. Le nettoyage astral, lorsqu'une personne s'observe, lorsqu'une personne intelligencie des mécanismes qu'elle vit, lorsqu'une personne mentalise, est un mécanisme qui rend obligatoirement le mental le seul maître contrôleur à bord du corps physique. Cela veut dire qu'il désassujettit complètement les mécanismes des fausses émotions, les mécanismes de l'interprétation de l'ego d'une énergie mentale. Alors, automatiquement, il libère le corps physique de toutes les maladies, le corps vital de toutes les fatigues et épuisements, le corps psychologique de toutes les souffrances, et il permet au corps mental d'arriver au contact supramental. Les thérapies qu'on a aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment axées sur cette conscience nouvelle parce qu'on devrait commencer plus souvent qu'autrement par passer en thérapie les thérapeutes. Et c'est normal. Deux autres questions d'ordre assez professionnel. Moi, je suis masseur. En tout cas, il veut dire massothérapeute. Moi, je suis mon frère. Ouais, je suis masseur corporel. Je voudrais savoir, lorsque je fais un massage, que se passe-t-il au niveau de vital, éthérique ou autre? Deuxièmement, je fais aussi du karaté au niveau Nidan. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Et j'ai constaté que lors de l'entraînement ou Kumite Kata, il se passait en moi un changement vraiment intense. De quoi s'agit-il? Quel est ce phénomène? Moi, écrit en gros, c'est bien. Moi, je. Lorsqu'une personne fait du massage, lorsque une personne se fait faire un massage, il y a deux mécanismes qui peuvent entrer en jeu. Ou bien le masseur se fait suctionner son énergie vitale, ce qui peut l'amener à un moment donné à être fatigué après un massage, une fatigue plus profonde qu'une fatigue musculaire. Il peut aussi, à la longue, réussir à voler de l'énergie de son patient, de la personne qu'il masse. Alors là, il se sent énergie et il aime ça. Et ce mécanisme où il aime ça peut aussi l'amener à un moment donné à absorber suffisamment d'énergie vitale de l'autre qu'il va assujettir sa propre énergie vitale à celle de l'autre. Et si l'autre a différentes formes de maladies, il pourra aussi avoir ces maladies. Et évidemment, le masseur peut aussi transmettre ses propres maladies à la personne qu'il va masser. Maintenant, là, on parle d'un mécanisme normal qui est fait hors contrôle conscient de l'un et de l'autre. Par contre, un masseur peut aussi être un très bon guérisseur, c'est-à-dire que par l'énergie même de l'imposition des mains, qu'il y ait contact ou qu'il n'y ait pas contact, en l'occurrence, au niveau du massage, il y a contact, il peut transmettre suffisamment d'énergie vitale pour remonter une personne. Le massage a pour première fonction de briser des molécules d'acide lactique, de briser des molécules, des petites protéines aussi qui vont s'accumuler au niveau des muscles, qui vont ralentir la circulation sanguine, et brisant ces molécules par le massage, il va permettre, en stimulant la circulation suite à cela, une meilleure élimination des toxines. Donc, il va normalement reposer le corps physique en lui donnant une impression de qui varie, qui est juste à la limite entre la souffrance et le plaisir. Un bon masseur. Le gros travail du massage va être surtout un travail au niveau de l'énergie vitale. Et si le masseur connaît un peu les mécanismes même de la transmission des énergies vitales, il va être capable de faire un massage beaucoup plus approfondi, un massage qui va avoir presque l'effet d'une thérapie d'acupuncture. Je fais aussi du karaté. On constate que lors de l'entraînement au Kumite Kata, il se passait en moi un changement vraiment intense. De quoi s'agit-il? Quel est ce phénomène? Au niveau du PMC, on va par exemple travailler sur des mécanismes que nous appelons la démarche flottante, chose qui, disons, est typique du PMC, mais qui peut ressembler de très loin au Kumite Kata, c'est-à-dire à une pratique où on va exécuter certains mouvements avec une certaine conscience du corps lorsque nous exécutons les mouvements. Et automatiquement, ce que antiquement les arts martiaux devaient amener, et ce qu'ils n'amènent plus aujourd'hui, sauf chez certains rares personnages qui, disons, non pas par hasard, mais par accomplissement, arrivent à redécouvrir d'une façon de très bien à très croche les mécanismes même qui devaient être enseignés par la pratique des arts martiaux. Au niveau de l'ardème, justement, on transforme tout pour obliger la personne à n'arriver qu'à ce résultat et ne plus arriver au résultat du cassage de gueule. La personne, par certaines pratiques de mouvement, va arriver à émettre, à exprimer à l'extérieur d'elle de l'énergie vitale, chose que normalement l'être ancien ne connaît pas. Exprimant cette énergie vitale, il a une perception de son corps qui est une synesthésie tout à fait nouvelle qui va lui donner égoïquement une impression, ce qu'il appelle bizarre. L'impression qui peut être une impression de conscience allongée, c'est normal. L'énergie vitale s'exprimant, la personne augmente son niveau de conscience vitale. Ça peut être une expression de sécurité, une expression... Bon, je pourrais donner plusieurs qualificatifs dépendant du corps physique qui vit cette expérience. Alors, le comité 14 permet à l'homme d'arriver à exprimer plus d'énergie vitale, ce qui va lui permettre à un moment donné d'avoir une conscience étendue. Autrement dit, les yeux fermés, il pourra percevoir une pénétration de son champ vital à 15 pieds, à 20 pieds, à 30 pieds, ce qui fait que dans certains films plus ou moins initiatiques, on va recopier ce que dans l'Antiquité certains sont arrivés à faire, où on va bander les yeux à un combattant et celui-ci va être capable de se battre avec des personnes qu'il ne voit pas, à éviter des flèches. Pourquoi? Parce que son champ de conscience vitale est suffisamment étendu que lorsqu'une personne s'approche, il le sait. Lorsqu'une personne lève le bras, il la voit. Et c'est ce que normalement l'art martial antique, si on prend l'art martial d'où il vient premièrement de l'Inde. Il a été amené en Inde par Rama. Il a été poursuivi dans l'éducation par un successeur qui va porter le nom de Krishna, même si certains disent qu'il est venu avant. De l'Inde, il va être transfusé en Chine. Et là, c'est dans les monastères Shaolin, surtout au niveau d'un art martial qui va porter le nom de Kempo et qui va être transformé par après au nom de son inventeur, de son... énergiseur Confucius, on va l'appeler Kung Fu, boxe chinoise, et de là, il va être transféré au Japon par la suite, en Corée, au Vietnam et un peu partout, suite à cela, en Europe, en Amérique. César, surtout au niveau de ce qui a été mené au niveau de la Chine, au niveau des monastères Shaolin, était un art qui était totalement un système d'éducation, d'ordre spirituel, sinon d'ordre mental, sinon d'ordre supramental. Et Confucius avait découvert que les personnes qui se conscientisaient avaient un corps feluette, avaient un corps physique malade, un corps physique qui vieillissait précocement, un corps physique qui ne permettait plus à un moment donné l'initiation immédiate. Le corps physique étant trop faible pour soutenir la conscience supramentale. Alors, il a mis au point une technique qui s'appelait le Kung Fu. Il a développé deux formes de technique pour deux formes d'ego. Un art martial dur, un art martial souple. Alors, on a donc un art martial où on va connaître la main de fer, un autre où on va connaître différentes autres formes d'expression. Et par la suite, il va réussir à créer beaucoup de choses qui vont être transmises au niveau du zen et qui vont être décolorées, évidemment, par la psychologie de l'homme copieur, celui qui essaie de devenir comme les autres. Et on va former des arts martiaux pour permettre à l'homme de tuer son prochain. Lorsqu'une personne pratique un comité kata, lorsqu'une personne pratique un kata, un simulacre de combat avec personne ou encore avec une personne, si elle le fait bien, c'est qu'elle arrive à exprimer de l'énergie vitale à l'extérieur d'elle, donc elle arrive à pouvoir percevoir une nouvelle forme de conscience. C'est ce que l'art martial devait amener. Et c'est ce que, disons, ce que nous avons reformé au niveau de l'ardème. Alors, c'est intéressant justement qu'une personne qui est ceinture noire en karaté arrive à découvrir ceci, malgré le désapprentissage, malgré la désinformation totale qu'on va subir au niveau des arts martiaux, surtout au niveau du karaté, qui est présentement la plus piètre expression de l'évolution de l'art de combat au niveau de la planète. Si on veut avoir une idée des formes d'évolution encore un peu correctes, collectivement, alors on a le l'aïkido, on a le judo, et suite à cela, on aurait même le kung-fu qui est pas mal dénaturé et le karaté ici aujourd'hui qui est totalement brimé, démoli. Évidemment, certaines personnes arrivent à travers ces mécanismes à faire quelque chose de bon. Alors, qu'est-ce qui arrive comme phénomène? C'est simplement le phénomène que j'ai expliqué. C'est une expression d'énergie vitale, une extra-conscientisation, une étendue de la conscience vitale qui amène à cette personne différents contacts nouveaux. phénomène qu'il devrait cultiver. Il n'y a aucun danger à cultiver, c'est même très bon. Sauf qu'à un moment donné, il va percevoir des choses qu'il n'a jamais été préparé à percevoir dans sa conscience égoïque. Il peut avoir peur. Parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il fait. Mais à un moment donné, il va savoir. Il n'a pas le choix. Les gens qui ont fait le voyage au Pérou, se trouvent-ils à effectuer un pas vers une seconde naissance? Oui. Est-ce que la comète de Halley a un rapport avec la recrudescence de la nouvelle conscience sur la Terre? Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples d'âmes pures? Oui. La femme et l'avortement. Ça, c'est autre chose. Des exemples d'âmes pures. Non, ben, je pourrais vous en donner. Mais je pense pas que vous seriez prêt à les accepter. Dans l'Antiquité, au niveau des âmes pures, on a eu des personnages qui sont connus. On a eu le Nazaréen, évidemment. Évidemment, parce que on en parle souvent. On a eu le comte de Saint-Germain, qui est très inconnu de certains, peut-être très connu de d'autres. On a eu Lazare, peut-être c'est plus connu. On a eu des personnages qui ont aidé à la cristallisation des phénomènes astroplanétaires. On a eu des personnages comme Nicolas Flamel, sous un autre nom, a eu une âme pure. On a un personnage qui, présentement, est en phase de purification d'une âme. On a une peinture ici, Michel de Notre-Dame, ou de Nostradamus, Nostradamus. C'est un personnage qui n'est pas connu de vous dans le monde actuel, mais qui est relativement connu dans le monde où il a écrit ses prophéties. Personnage qui a été suffisamment charrié par les mécanismes astraux, et présentement, il est dans une lutte incroyable pour se défaire complètement de sa génétique de prophète. Donc, il se dirige vers une âme pure. Parmi les saints, ceux qui ont eu des âmes pures, il n'y en a pas beaucoup. Il y a François. Celui qui... Pas besoin de préciser que c'est pas moi. Celui qui est né à Assise. Non, pas celui qui est assis à côté de moi. Il a été canonisé par l'Église. Je pourrais presque dire que l'Église a tout fait pour le détruire. Canonisé, c'est ça? C'est ça. Il a été tiré au canon. Tiré au canon. Il y en a quelques autres. La femme et l'avortement. J'aimerais savoir si c'est une question d'homme ou de femme. On va dépersonnaliser. C'est une question de vie. On va parler cosmiquement de l'avortement et de la femme. Et non pas politiquement, médicalement. L'avortement... Je ne parle pas donc de l'avortement obligatoire, c'est-à-dire lorsqu'on a le choix de faire mourir la femme pour faire vivre l'enfant. À un moment donné, beaucoup plus tard dans la génétique humaine, beaucoup plus tard dans la société nouvelle, beaucoup plus tard, n'ayez pas peur, beaucoup, beaucoup plus tard, lorsqu'un jour vous allez devoir renaître par l'intermédiaire d'une femme, à cette époque-là, l'homme sera suffisamment intelligent. Ne vous en faites pas, il ne vous tuera pas pour laisser vivre votre mère. Vous allez pouvoir voir le jour. Présentement, l'avortement est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'utile et quelque chose d'affreux. Lorsque la femme, parce que l'avortement est inventé par l'homme, les mécanismes anticonceptionnels ont été inventés par l'homme pour se permettre plus de femmes. Mais aujourd'hui, la femme, elle a un cheminement qui l'amène à cette conscience individuelle de femme nouvelle. Et lorsqu'elle n'a pas suffisamment intégré les mécanismes de l'individualité, elle se fait stériliser psychologiquement. Comme l'homme, d'ailleurs. Lorsque biologiquement la stérilité n'a pas été complète, la femme a une stérilité psychologique possiblement suffisante pour qu'il n'y ait pas de naissance. Lorsque la femme se fait avorter, elle crée un immense stress dans l'énergie psychologique, donc dans l'âme, dans l'astral planétaire, et elle crée un immense stress dans l'énergie vitale de la planète. Mais elle se libère d'une contrainte qui, sur le moment même, pourrait empêcher cette femme de poursuivre son évolution vers une individualisation qui, un jour, va lui permettre de mettre au monde un enfant totalement nouveau. Un enfant qui pourra supporter physiquement un être qui attend qu'on lui procure un corps physique suffisamment évolué pour pouvoir apparaître. Un jour, la femme ne mourra pas et elle ne se fera pas avorter. Avant ce temps, la femme acceptera de mourir pour laisser naître. Tandis qu'aujourd'hui, c'est normal, la femme accepte de tuer pour vivre. Le mot « tuer » peut paraître violent, il est paraît violent qu'à ceux qui ont un concept de ce que c'est que la vie et la mort, un concept frauduleux. Alors, présentement, je n'ai rien contre l'avortement, parce que je comprends les mécanismes essentiels et nécessaires qui obligent la femme à devoir passer par des actes qui paraissent cruels à ceux qui ne comprennent pas, pour pouvoir arriver plus rapidement à une évolution qui lui permettra d'être enfin ce qu'elle est. C'est sûr que la femme qui se fait avorter